Chapitre 2 Du vêtement des prêtres et des ornements de l'Église. On ne cesse de se récrier sur les institutions de l'Antiquité, et l'on ne veut pas s'apercevoir que le culte évangélique est le seul débris de cette Antiquité qui soit parvenu jusqu'à nous. Tout dans l'Église retrace ces temps éloignés, dont les hommes ont depuis longtemps quitté les rivages, et où ils aiment encore à égarer leurs pensées. Si l'on fixe les yeux sur le prêtre chrétien, à l'instant, on est transporté dans la patrie de Numa, de Lycurgue ou de Zoroastre. La tiare nous montre le Mède errant sur les débris de Suse et d'Ecbatane. L'aube, dont le nom latin rappelle et le lever du jour et la blancheur virginale, offre de douces consonances avec les idées religieuses. Toujours un majestueux souvenir ou une agréable harmonie s'attache au tissu de nos autels. Et ces autels chrétiens, modelés comme des tombeaux antiques, et ces images du soleil vivant renfermées dans nos tabernacles, ont-ils quelque chose qui blesse les yeux ou qui choque le goût? Nos calices avaient cherché leur nom parmi les plantes, et le lys leur avait prêté sa forme, gracieuse concordance entre l'agneau et les fleurs. Comme la marque la plus directe de la foi, la croix est aussi l'objet le plus ridicule à de certains yeux. Les Romains s'en étaient moqués, ainsi que les nouveaux ennemis du christianisme. Et Tertullien leur avait montré qu'ils employaient eux-mêmes ce signe dans leur faisceau d'armes. L'attitude que la croix fait prendre au Fils de l'homme est sublime. L'affaissement du corps et la tête penchée font un contraste divin avec les bras étendus vers le ciel. Au reste, la nature n'a pas été aussi délicate que les incrédules. Elle n'a pas craint de mouler la croix dans une multitude de ses ouvrages. Il y a une famille entière de fleurs qui appartient à cette forme, et cette famille se distingue par une inclination à la solitude. La main du Tout-Puissant a aussi placé l'étendard de notre salut parmi les soleils. L'urne qui renfermait les parfums imitait la forme d'une navette. Des feux et d'odorantes vapeurs flottaient dans un vase à l'extrémité d'une longue chaîne. Là se voyaient les candélabres de bronze doré, ouvrage d'un cafieri ou d'un vassé, et images des chandeliers mystiques du roi poète. Ici, les vertus cardinales, assises, soutenaient le lutrin triangulaire. Des lyres accompagnaient ses faces, un globe terrestre le couronnait, et un aigle d'airain, surmontant ses belles allégories, semblait, sur ses ailes déployées, emporter nos prières vers les cieux. Partout se présentaient et des chairs légèrement suspendues, et des vases surmontés de flammes, et des balcons, et de hautes torchères, et des balustres en marbre, et des stalles sculptées par les charpentiers et les dugoulons, et des lampadaires arrondis par les balins, et des saints sacrements de vermeil dessinés par les Bertrands et les Cottes. Quelquefois, les débris des temples des dieux du mensonge servaient à décorer le temple du vrai Dieu. Les bénitiers de Saint-Sulpice étaient deux urnes sépulcrales apportées d'Alexandrie. Les bassins, les patènes, les eaux lustrales rappelaient les sacrifices antiques. Et toujours venaient se mêler, sans se confondre, les souvenirs de la Grèce et d'Israël. Enfin, les lampes et les fleurs qui décoraient nos églises servaient à perpétuer la mémoire de ces temps de persécution, où les fidèles se rassemblaient pour prier dans les tombeaux. On croyait voir ces premiers chrétiens allumer furtivement leurs flambeaux sous des arches funèbres, et les jeunes filles apporter des fleurs pour parer l'autel des catacombes. Un pasteur, éclatant d'indigence et de bonnes œuvres, consacrait ses dons au Seigneur. C'était alors le véritable règne de Jésus-Christ, le Dieu des petits et des misérables. Son autel était pauvre comme ses serviteurs, mais si les calices étaient de bois, les prêtres étaient d'or, comme parle saint Boniface. Et jamais on n'a vu tant de vertus évangéliques que dans ces âges où, pour bénir le Dieu de la lumière et de la vie, il fallait se cacher dans la nuit et dans la mort. Chapitre 3 Des chants et des prières. On reproche au culte catholique d'employer dans ses chants et dans ses prières une langue étrangère au peuple. Comme si l'on prêchait en latin et que l'office ne fût pas traduit dans tous les livres d'Église. D'ailleurs, si la religion, aussi mobile que les hommes, eût changé d'idiome avec eux, comment aurions-nous connu les ouvrages de l'Antiquité ? Telle est l'inconséquence de notre humeur que nous blâmons ces mêmes coutumes auxquelles nous sommes redevables d'une partie de nos sciences et de nos plaisirs. Mais, à ne considérer l'usage de l'Église romaine que sous ses rapports immédiats, nous ne voyons pas ce que la langue de Virgile, conservée dans notre culte, et même en certains temps et en certains lieux, la langue d'Homère, peut avoir de si déplaisant. Nous croyons qu'une langue antique et mystérieuse, une langue qui ne varie plus avec les siècles, convenait assez bien au culte de l'être éternel, incompréhensible, immuable. Et puisque le sentiment de nos maux nous force d'élever vers le roi des rois une voix suppliante, n'est-il pas naturel qu'on lui parle dans le plus bel idiome de la terre, dans celui-là même dont se servaient les nations prosternées pour adresser leurs prières au César ? De plus, et c'est une chose remarquable, les oraisons, en langue latine, semblent redoubler le sentiment religieux de la foule. Ne serait-ce point un effet naturel de notre penchant au secret ? Dans le tumulte de ses pensées et des misères qui assiègent sa vie, l'homme, en prononçant des mots peu familiers ou même inconnus, croit demander les choses qui lui manquent et qu'il ignore. Le vague de sa prière en fait le charme. Et son âme inquiète, qui sait peu ce qu'elle désire, aime à former des vœux aussi mystérieux que ses besoins. Il reste donc à examiner ce qu'on appelle la barbarie des cantiques saints. On convient assez généralement que, dans le genre lyrique, les Hébreux sont supérieurs aux autres peuples de l'Antiquité. Ainsi, l'Église, qui chante tous les jours les psaumes et les leçons des prophètes, a donc premièrement un très beau fond de cantiques. On ne devine pas trop, par exemple, ce que ceux-ci peuvent avoir de ridicule ou de barbare. N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monde, etc., qu'aux accents de ma voix, la terre se réveille, etc. J'ai vu mes tristes journées décliner vers leur penchant, etc. L'Église trouve une autre source de chant dans les évangiles et dans les épîtres des apôtres. Racine, en imitant ses proses, a pensé, comme Malherbe et Rousseau, qu'elles étaient dignes de sa muse. Saint Chrysostome, Saint Grégoire, Saint Ambroise, Saint Thomas d'Aquin, Coffin, Santeul, ont réveillé la lyre grecque et latine dans les tombeaux d'Alcée et d'Horace. Vigilante à louer le Seigneur, la religion mêle au matin ses concerts à ceux de l'aurore. Splendor paternae gloriae, etc. Source ineffable de lumière, Verbe en qui l'Éternel contemple sa beauté, astre dont le soleil n'est que l'ombre grossière, sacré jour dont le jour emprunte sa clarté, lève-toi, soleil adorable, etc. Avec le soleil couchant, l'Église chante encore, Caeli Deus Sanctissime, etc. Grand Dieu, qui fait briller sur la voûte étoilée ton trône glorieux, et d'une blancheur vive à la pourpre mêlée, peint le cintre des cieux. Cette musique d'Israël, sur la lyre de Racine, ne laisse pas d'avoir quelque charme. On croit moins entendre un son réel que cette voix intérieure et mélodieuse qui, selon Platon, réveille au matin les hommes épris de la vertu en chantant de toute sa force dans leur cœur. Mais sans avoir recours à ces hymnes, les prières les plus communes de l'Église sont admirables. Il n'y a que l'habitude de les répéter dès notre enfance qui nous puisse empêcher d'en sentir la beauté. Tout retentirait d'acclamation si l'on trouvait dans Platon ou dans Sénèque une profession de foi aussi simple, aussi pure, aussi claire que celle-ci. « Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles. » L'oraison dominicale est l'ouvrage d'un Dieu qui connaissait tous nos besoins, qu'on en pèse bien les paroles. Notre Père qui es aux cieux, reconnaissance d'un Dieu unique, que ton nom soit sanctifié, culte qu'on doit à la divinité, vanité des choses du monde, Dieu seul mérite d'être sanctifié. Que ton règne nous arrive, immortalité de l'âme. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mot sublime qui comprend les attributs de la divinité. Sainte résignation qui embrasse l'ordre physique et moral de l'univers. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comme cela est touchant et philosophique. Quel est le seul besoin réel de l'homme ? Un peu de pain. Encore, il ne lui faut qu'aujourd'hui, hodie, car demain existera-t-il ? Et pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la morale et la charité en deux mots. Ne nous laisse point succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Voilà le cœur humain tout entier, voilà l'homme et sa faiblesse, qu'il ne demande point des forces pour vaincre, qu'il ne prie que pour n'être point attaqué, que pour ne point souffrir. Celui qui a créé l'homme pouvait seul le connaître aussi bien. Nous ne parlerons point de la salutation angélique, véritablement pleine de grâce, ni de cette confession que le chrétien fait chaque jour au pied de l'Éternel. Jamais les lois ne remplaceront la moralité d'une telle coutume. Songe-t-on quel frein c'est pour l'homme que cet aveu pénible qu'il renouvelle matin et soir ? J'ai péché par mes pensées, par mes paroles, par mes œuvres. Pythagore avait recommandé une pareille confession à ses disciples. Il était réservé au christianisme de réaliser ces songes de vertu que rêvaient les sages de Rome et d'Athènes. En effet, le christianisme est à la fois une sorte de secte philosophique et une antique législation. De là lui viennent les abstinences, les jeûnes, les veilles, dont on retrouve des traces dans les anciennes républiques, et que pratiquaient les écoles savantes de l'Inde, de l'Égypte et de la Grèce. Plus on examine le fond de la question, plus on est convaincu que la plupart des insultes prodiguées au culte chrétien retombent sur l'Antiquité. Mais revenons aux prières. Les actes de foi, d'espérance, de charité, de contrition disposaient encore le cœur à la vertu. Les oraisons des cérémonies chrétiennes relatives à des objets civils ou religieux, ou même à de simples accidents de la vie, présentaient des convenances parfaites, des sentiments élevés, de grands souvenirs et un style à la fois simple et magnifique. À la messe des noces, le prêtre lisait l'épître de saint Paul. « Mes frères, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. » Et à l'Évangile, en ce temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le tenter et lui dire « Est-il permis à un homme de quitter sa femme ?» Il leur répondit « Il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » À la bénédiction nuptiale, le célébrant, après avoir répété les paroles que Dieu même prononça sur Adam et Ève, « Crescite et multiplicamine », ajoutait « Ô Dieu, unissez, s'il vous plaît, les esprits de ces époux, et versez dans leur cœur une sincère amitié. Regardez d'un œil favorable votre servante. Faites que son joug soit un joug d'amour et de paix. Faites que, chaste et fidèle, elle suive toujours l'exemple des femmes fortes. Qu'elle se rende aimable à son mari comme Rachel. Qu'elle soit sage comme Rebecca. Qu'elle jouisse d'une longue vie et qu'elle soit fidèle comme Sarah. Qu'elle obtienne une heureuse fécondité. Qu'elle mène une vie pure et irréprochable, afin d'arriver au repos des saints et au royaume du ciel. Faites, Seigneur, qu'ils voient tous deux les enfants de leurs enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération, et qu'ils parviennent à une heureuse vieillesse. » À la cérémonie des relevailles, on chantait le psaume « Nisi Dominus ». Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent ceux qui la bâtissent. Au commencement du carême, à la cérémonie de la comination ou de la dénonciation de la colère céleste, on prononçait ces malédictions du Deutéronome. « Maudit celui qui a méprisé son père et sa mère. Maudit celui qui égare l'aveugle en chemin, etc. Dans la visite aux malades, le prêtre disait, en entrant, « Paix à cette maison et à ceux qui l'habitent. » Puis, au chevet du lit de l'infirme, « Père de miséricorde, conserve et retiens ce malade dans le corps de ton Église, comme un de ses membres. Aie égard à sa contrition, reçois ses larmes, soulage ses douleurs. » Ensuite, il lisait le psaume « In te domine ». « Seigneur, je me suis retiré vers toi. Délivre-moi par ta justice. » Quand on se rappelle que c'était presque toujours des misérables que le prêtre allait visiter ainsi, sur la paille où ils étaient couchés, combien ces oraisons chrétiennes paraissent encore plus divines. Tout le monde connaît les belles prières des agonisants. On lit d'abord l'oraison « Proficiscere ». Sortez de ce monde, âme chrétienne. Ensuite, cet endroit de la passion. En ce temps-là, Jésus, étant sorti, s'en alla à la montagne des Oliviers, etc. Puis le psaume « Miserere mei ». Puis cette lecture de l'Apocalypse. En ces jours-là, j'ai vu des morts, grands et petits, qui comparurent devant le trône, etc. Enfin, la vision d'Ézéchiel. La main du Seigneur fut sur moi, et m'ayant mené dehors par l'Esprit du Seigneur, elle me laissa au milieu d'une campagne qui était couverte d'ossements. Alors le Seigneur me dit, « Prophétise à l'Esprit, fils de l'homme, dis à l'Esprit, venez des quatre vents et soufflez sur ces morts, afin qu'ils revivent, etc. » Pour les incendies, pour les pestes, pour les guerres, il y avait des prières marquées. Nous nous souviendrons toute notre vie d'avoir entendu lire, pendant un naufrage, où nous nous trouvions nous-mêmes engagés, le psaume « Confite mini domino ». Confessez le Seigneur, parce qu'il est bon. Il commande, et le souffle de la tempête s'est élevé, et les vagues se sont amoncelées. Alors les mariniers crient vers le Seigneur, dans leur détresse, et il les tire de danger. Il arrête la tourmente et la change en calme, et les flots de la mer s'apaisent. Vers le temps de Pâques, Jérémie se réveillait dans la poudre de Sion pour pleurer le Fils de l'homme. L'Église empruntait ce qu'il y a de plus beau et de plus triste dans les Pères et dans la Bible, afin d'en composer les chants de cette semaine consacrée au plus grand des martyrs, qui est aussi la plus grande des douleurs. Il n'y avait pas jusqu'aux litanies qui n'eussent des cris ou des élans admirables. Témoins ces versets des litanies de la Providence. Providence de Dieu, consolation de l'âme pèlerine. Providence de Dieu, espérance du pécheur délaissé. Providence de Dieu, calme dans les tempêtes. Providence de Dieu, repos du cœur, etc. Ayez pitié de nous. Enfin, nos cantiques gaulois, les Noëls même de nos aïeux, avaient aussi leur mérite. On y sentait la naïveté et comme la fraîcheur de la foi. Pourquoi, dans nos missions de campagne, se sentait-on attendri lorsque des laboureurs venaient à chanter au salut « Adorons tous, ô mystère ineffable, un Dieu caché, etc. » C'est qu'il y avait dans ces voix champêtres un accent irrésistible de vérité et de conviction. Les Noëls, qui peignaient les scènes rustiques, avaient un tour plein de grâce dans la bouche de la paysanne. Lorsque le bruit du fuseau accompagnait ses chants, que ses enfants, appuyés sur ses genoux, écoutaient avec une grande attention l'histoire de l'enfant Jésus et de sa crèche, on aurait en vain cherché des airs plus doux et une religion plus convenable à une mère. Chapitre 4 Des solennités de l'Église du dimanche. Nous avons déjà fait remarquer la beauté de ce septième jour, qui correspond à celui du repos du Créateur. Cette division du temps fut connue de la plus haute antiquité. Il importe peu de savoir à présent si c'est une obscure tradition de la création transmise au genre humain par les enfants de Noé, ou si les pasteurs retrouvèrent cette division par l'observation des planètes. Mais il est du moins certain qu'elle est la plus parfaite qu'aucun législateur ait employée. Indépendamment de ses justes relations avec la force des hommes et des animaux, elle a ces harmonies géométriques que les anciens cherchaient toujours à établir entre les lois particulières et les lois générales de l'univers. Elle donne le 6 pour le travail, et le 6, par deux multiplications, engendre les 360 jours de l'année antique et les 360 degrés de la circonférence. On pouvait donc trouver magnificence et philosophie dans cette loi religieuse, qui divisait le cercle de nos labeurs ainsi que le cercle décrit par les astres dans leur révolution. Comme si l'homme n'avait d'autre terme de ses fatigues que la consommation des siècles, ni de moindres espaces à remplir de ses douleurs que tous les temps. Le calcul décimal peut convenir à un peuple mercantile, mais il n'est ni beau ni commode dans les autres rapports de la vie et dans les équations célestes. La nature l'emploie rarement. Il gêne l'année et le cours du soleil. Et la loi de la pesanteur ou de la gravitation, peut-être l'unique loi de l'univers, s'accomplit par le carré et non par le quintuple des distances. Il ne s'accorde pas davantage avec la naissance, la croissance et le développement des espèces. Presque toutes les femelles portent par le 3, le 9, le 12, qui appartiennent au calcul sexismal. On sait maintenant par expérience que le 5 est un jour trop près et le 10 un jour trop loin pour le repos. La terreur qui pouvait tout en France n'a jamais pu forcer le paysan à remplir la décade, parce qu'il y a impuissance dans les forces humaines, et même, comme on l'a remarqué, dans les forces des animaux. Le bœuf ne peut labourer 9 jours de suite. Au bout du 6e, ses mugissements semblent demander les heures marquées par le Créateur pour le repos général de la créature. Le dimanche réunissait deux grands avantages. C'était à la fois un jour de plaisir et de religion. Il faut sans doute que l'homme se délasse de ses travaux, mais comme il ne peut être atteint dans ses loisirs par la loi civile, le soustraire en ce moment à la loi religieuse, c'est le délivrer de tout frein. C'est le replonger dans l'état de nature et lâcher une espèce de sauvage au milieu de la société. Pour prévenir ce danger, les anciens même avaient fait aussi du jour du repos un jour religieux, et le christianisme avait consacré cet exemple. Cependant, cette journée de la bénédiction de la terre, cette journée du repos de Jéhovah, choqua les esprits d'une convention qui avait fait alliance avec la mort, parce qu'elle était digne d'une telle société. Après 6000 ans d'un consentement universel, après 60 siècles d'Hosanna, la sagesse des Dantons, levant la tête, osa juger mauvais l'ouvrage que l'Éternel avait trouvé bon. Elle crut qu'en nous replongeant dans le chaos, elle pourrait substituer la tradition de ces ruines et de ces ténèbres à celle de la naissance de la lumière et de l'ordre des mondes. Elle voulut séparer le peuple français des autres peuples et en faire, comme les Juifs, une caste ennemie du genre humain. Un 10e jour, auquel s'attachait pour tout honneur la mémoire de Robespierre, vint remplacer cet antique sabbat, lié au souvenir du berceau des temps, ce jour sanctifié par la religion de nos pères, chômé par 100 millions de chrétiens sur la surface du globe, fêté par les saints et les milices célestes, et pour ainsi dire gardé par Dieu même dans les siècles de l'éternité.